Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz. Bienvenue aussi et bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent à partir du blog de l'Asile, asile35.blogspot.fr, sur lequel vous pouvez retrouver l'ensemble des playlists. Tout est à jour, les émissions sont podcastables, écoutables aussi en streaming à partir du Mixcloud/Redman. Merci à Monsieur Redman d'ailleurs de maintenir ces deux sites à jour. Et cette semaine, émission très spéciale pour l'été. L'été, c'est évidemment l'occasion de réécouter des choses, comme par exemple cette semaine, Ashley Paul, jeune multi-instrumentiste new-yorkaise qu'on avait découvert il y a tout juste 2 ans avec ses fameux miaulements entrecoupés de cliquetis de guitare, de saxophone ou encore de clarinette. Mademoiselle Ashley Paul, qui représente un peu le renouveau d'un certain songwriting pop expérimental qui mélange improvisation libre, travail de texture, composition spontanée, un genre dans lequel se sont illustrés Annette Peacock ou encore Julie Tippett. Ashley Paul, qui est quelqu'un qui vit à New York, à Brooklyn, elle a une petite trentaine d'années. Elle a travaillé aux côtés de Phil Niblock, Rachad Baker, Aki Honda, Si Spencer Lier, Joe Morris, Anthony Coleman, avec lequel d'ailleurs elle a enregistré notamment pour le label Tzadik, et surtout le percussionniste et performeur plasticien Eli Kessler, avec lequel elle vit d'ailleurs. On va démarrer par le disque qui m'a fait découvrir sa musique très intuitive et introvertie, l'album Slow Boat, qui était, si je me souviens bien, dans mon top 15 des disques de 2012 de l'Asile le plus sûr. On va donc attaquer avec 2 titres pour démarrer ces 90 minutes pour faire connaissance avec Ashley Paul. Et donc un extrait de cet album qui était sorti à l'époque sur Orange Mill Records, le disque Slow Boat, et on démarre avec le titre Tell Me.

Une séquence de trois titres enchaînés pour faire les présentations avec l'univers de la multi-instrumentiste et chanteuse américaine Ashley Paul. Un univers qui se compose donc de petites vignettes qu'elle dessine avec sa voix assez fluette, un peu blanche et un peu dans le lointain, agrémentée de différents instruments à cordes, une guitare préparée et détuner différents instruments avant, notamment clarinette, saxophone et puis d'autres choses de sa composition. Trois titres enchaînés donc qui permettaient de voir un peu son goût pour les mélodies assez enfantines et un certain état d'esprit aussi assez spontané et improvisé, un goût de l'accident sonore assez prononcé chez Ashley Paul. Tout d'abord, on a écouté deux titres qui étaient extraits donc de son troisième disque en date, celui avec lequel je l'ai découvert en 2012. Il s'intitulait Slow Boat. Il était enchaîné, ces deux titres étaient enchaînés avec le morceau qui ouvre son dernier disque en date, Line the Clouds, qui était sorti chez REL Records ou R.I.L. Records, le label de son conjoint avec lequel elle se produit et qui figure aussi assez souvent à ses côtés sur ses disques, Ellie Kessler. Donc un morceau dans lequel elle mélangeait assez astucieusement une boîte à musique avec sa voix, un saxophone et de la guitare. Un titre qui a d'ailleurs été remixé par une personnalité de la noise aux États-Unis, monsieur Pete Swanson des Yellow Swads, qui a rajouté des sons harsh noise et quelques beats. Voilà, histoire de voir un peu l'environnement et la communauté musicale dans laquelle elle se trouve. Cette demoiselle qui est née et a grandi dans l'Iowa, elle est de formation assez classique. Elle a étudié le saxophone et la composition. formation, notamment au conservatoire de Boston, où Anthony Coleman était son professeur, le pianiste et compositeur de jazz contemporain avec lequel elle se produit et avec lequel elle a enregistré d'ailleurs, donc comme je disais en début d'émission, pour le label Tzadik. Alors Ashley Paul, elle a surtout une certaine passion pour les instruments avec des fréquences suraiguës. C'est sans doute pour ça qu'elle utilise la clarinette de manière ultra stridente assez régulièrement. Et elle s'est prise aussi de passion pour les crotales, ces anciennes plaques métalliques héritées de la Grèce ou de l'Égypte ancienne. Une passion qu'elle partage avec son conjoint Eli Kessler. Donc ça fait des sonorités assez métalliques, assez rugueuses pour agrémenter ses compositions spontanées. On va continuer avec la musique de Ashley Paul et un disque qui sort tout juste, une édition assez limitée puisque ça sort en cassette uniquement. Il s'agit de la petite subdivision du label spécialisé dans l'expérimental Important Records, la subdivision Cassona qui est dédiée aux sorties cassettes analogiques faites main avec packaging sérigraphié qui sort tout juste une cassette donc d'Ashley Paul sous le titre White Night, une nouvelle série de 6 vignettes guitare préparée, voix clarinette enregistrée entre Brooklyn, Boston, Londres et Orlando. Et je vous propose d'écouter le titre Dragon de Ashley Paul. Donc. Oh, L'art évanescent de l'américaine Ashley Paul dans l'asile le plus sûr, avec deux titres extraits de trucs qui étaient sortis en édition assez limitée, qui sont sortis en édition assez limitée. Le premier vient tout juste de paraître. Il s'intitule White Night. C'est une cassette que sort Important Records sur sa subdivision Cassona. Donc si vous êtes intéressé, ruez-vous, ça va sortir je pense en 40 exemplaires à peu près. Ce sera sans doute aussi écoutable sur le net par la suite. Et c'était enchaîné avec la face A d'un 45 tours qui était sorti en 2011, à peu près au moment où Ashley Paul a commencé à fabriquer ce genre de musique, de songwriting et de song cycle assez décalé, avec un rapport au silence et à l'esthétique du vide façon Beckett assez prononcé. 45 tours qui était sorti en 2011 donc sur le micro-label Emerald Cocoon, dans la série Alone Together, qui lui va assez bien à Ashley Paul pour ses compositions assez intimistes. Mais on va la découvrir tout de suite en duo avec une autre américaine. Il s'agit de Sakiko Mori sur le disque Paul and Mori. Sakiko, qui est quelqu'un qui est claviériste, qui joue de pas mal d'instruments de type clavier, concertina, orgue, Fender Rhodes, et puis pas mal d'autres choses. Je crois qu'elle joue aussi de la clarinette et de la guitare, de même que Ashley Paul. On va les découvrir sur un disque donc qui était paru à l'origine en 2010 sur un micro-label en cassette dont s'occupait Ashley Paul elle-même, qui s'appelait Wagtail, dans lequel elle faisait tout, les illustrations, parfois c'était même sa mère qui s'y mettait, qui est dessinatrice aussi pour pas mal de productions du label Rel Records. Donc ce 33 tours a été réédité d'ailleurs par Rel Records en 2012, avec un ordre totalement différent des morceaux et trois titres supplémentaires comme celui que je propose d'écouter dès à présent, qui s'intitule Yawn Don't Yell. Thank you. Thank you. improvisations sur le fil du rasoir et assez extravagantes de HD Paul en compagnie de ses partenaires habituels. Tout d'abord avec Sakiko Mori, claviériste et multi-instrumentiste comme elle, sur le disque Paul and Morey, ce disque qui s'intitule Satellite, qui était sorti conjointement en cassette sur Wagtail et également chez R&L Records en vinyle. On écoutait la version en vinyle d'ailleurs, qui avait un pressage assez bas, mais il faut dire que la voix assez étouffée de Ashley Paul n'est pas forcément facile à radiodiffuser, je dois dire. Et donc ce disque Satellite était enchaîné avec le duo Aster en compagnie de Eli Kessler. Là il s'agissait de leur deuxième ou troisième album en date, puisqu'il y en a eu un premier sous leur propre nom, et donc deux disques sous le nom de Aster, et celui-ci Things That Just Happen, sorti comme de juste chez R&L Records en 2013, toujours accompagné par de très très belles pochettes sérigraphiées et très très peu d'informations, une esthétique du vide et qui confine au silence pour la musique de Ashley Paul et de Eli Kessler, qu'on va retrouver dans la séquence suivante avec un disque sous le nom de Eli Kessler, qui est un percussionniste qui est de plus en plus demandé. Il a notamment sorti un duo récemment aux côtés de Joe McPhee par exemple. Il joue donc un peu avec tout le gratin des scènes expérimentales et improvisées. Ils se sont rencontrés donc au conservatoire de Boston vers 2006 avec Ashley Paul, et depuis ils sont inséparables. Ils ont commis pas mal de méfaits ensemble, notamment la participation de Ashley Paul à différents projets de Eli Kessler, et ce projet Cold Pin, qui était une installation à partir de moteurs microcontrôlés qu'avait présenté Eli Kessler, qui est aussi artiste sonore à ses heures perdues. Donc il avait présenté ça dans différentes galeries aux États-Unis en 2011, donc des moteurs microcontrôlés sur cordes de piano avec lesquels il se produisait en compagnie de différents improvisateurs, dont notamment Ashley Paul ou encore le trompettiste Greg Kelly. Et antérieurement à ce Cold Pin, qui avait donné lieu à un très beau disque sur le label Pan Records, et également un double CD sous le titre Catching Net, qui regroupait les différentes performances qu'ils avaient fait ensemble. Antérieurement donc à cela, il avait publié un disque sur la légendaire firme de Bernard Stallman, ESP Records, le lieu historique du free jazz des années 60. Donc en 2010, il avait sorti un disque sous le titre de Oxtirn, qui était un peu sur le même principe, un mélange de guitare, percussion, voix et de moteur, cette fois-ci sur harpe. Et il avait embarqué dans ce projet donc Ashley Paul aux clarinettes, sax et autres crotales, ainsi que Geoff Mullen, guitariste, et qui est la moitié du label et distributeur Mimaroglou Records. Et donc tous les trois, ils avaient fait une version improvisée live de ce disque Oxtirn, qui était sorti chez ESP donc en 2010, qui avait été réédité en double CD avec une version concert en trio. Et ça, c'était R&L Records qui avait sorti ce bonus CD, qui est toujours d'ailleurs vendu séparément de la version d'origine. Alors je ne sais pas si je me suis fait comprendre avec toutes ces explications assez alambiquées. On va écouter la musique plutôt sans plus attendre. Et bon, le titre qui démarre, ce Oxtirn Live Part 1, qui va être assez ferrugineux. Thank you. Thank you. Thank you. un art fait de silence et de hachure et de zébrure. Voilà comment on pourrait caractériser la musique de H. L'épaule en compagnie du percussionniste Eli Kessler. On a écouté tout d'abord le Hoxtern Live, version donc pour trois guitares, percussions, voix, moteur sur harpe, clarinette, sax et crotal, entre Eli Kessler qui signait ce disque sorti donc chez Rel Records en 2011, aux côtés de Ashley Paul et de Geoff Mullen d'ailleurs, qui vient tout juste de sortir un disque également sur Rel Records, je crois que c'est le deuxième en date, plutôt des musiques d'installation sonore un peu à l'image de ce que peut faire aussi Eli Kessler assez régulièrement. Et c'était enchaîné avec un autre extrait de ce disque de Aster que je proposais aussi tout à l'heure, sous le titre Things That Just Happen, le morceau Secret and Lies. On va continuer avec le travail de Ashley Paul toute seule, et son premier disque était sorti en 2008. Il s'intitulait Doll. À l'époque, elle avait tout juste 26-27 ans. Elle n'avait encore rien enregistré. C'est un disque qui a mis 2 ans à mûrir. Un disque plutôt qui se présente comme une exploration de textures harmoniques. À l'époque, elle ne pratiquait pas encore les chansons ouvertes sur l'improvisation, mais plutôt des recherches de textures et d'ambiance sonore, avec un travail de cordes, de petites touches de saxophone et encore de guitare, tout ça sur tapis d'instruments métalliques, et aussi sa clarinette, et également un instrument dont elle est un peu l'inventeuse, qui s'appelle The Green Box, qui apparemment serait une sorte de banjo ou de sitar indien et chinois qu'on lui a offerte, une sorte d'équivalent de sitars coréennes et autres auto-harpes. Voilà donc pour ce qu'elle peut utiliser comme instrumentarium avec sa guitare préparée. Et donc on va entendre un titre où elle n'est pas du tout à la voix, mais qui est une vraie exploration sonore, une pièce qui est un monde en soi. On écoute un extrait donc de cet album Doll par Ashley Paul. Thank you. Vous êtes toujours dans l'asile le plus sûr à l'écoute de cette spéciale Ashley Paul qui nous a un peu vrillé le tympan droit avec ce titre extrait de son disque Doll, son premier album solo en date qui était sorti en 2008 chez Aerial Records. Et donc ce titre qui démarrait ce disque, un Now It's, avec cet univers très peu peuplé à l'intérieur et assez proche aussi de la musique par exemple de Giacinto Scalzi dont elle est très très fan, ce qui n'est pas très étonnant, ou encore de la musique accidentelle version John Cage. En tout cas donc une certaine propension et un goût assez immodéré pour les fréquences suraiguës. D'ailleurs Monsieur Pete Swanson, dont on a parlé tout à l'heure, son compatriote, membre du groupe Arch Noise, les Yellow Swans, connu pour ses frasques très très brutistes, disait dans une interview lue sur le net à propos d'une performance live d'Aster, son duo avec Ellie Kessler, que cela consistait en une joute entre les stridences de clarinette d'Ashley Paul et les percussions fracassées d'Ellie Kessler, et que selon lui, n'importe quel extrémiste de la noise aux États-Unis en avait les cheveux qui se dressaient sur la tête, à l'époque où il se produisait assez régulièrement dans des festivals de musique bruitiste aux États-Unis. Donc une musique pas si fragile que ça au final que celle de Ashley Paul, plutôt donc des pièces intuitives et instinctives où l'improvisation sert à fluidifier l'ensemble, et puis une certaine façon aussi de capter l'ambiance du moment et l'état d'esprit qui flotte dans l'air, qui se retrouve aspiré par les instruments d'Ashley Paul. Jacques Kerouac aurait appelé ça le hit à son époque. On va continuer avec son deuxième disque, celui qui était sorti juste après Doll, sous le titre Too Much Togethers. C'était sorti en 2010 en CD chez Aerial Records. On écoute le titre 1+1. Je ne sais pas si c'est une référence à Godard, c'est plutôt 1-1 d'ailleurs que 1+1. Thank you.

Esthétique assez minimale et dépouillée des chansons d'Ashley Paul avec cette spéciale dans l'asile le plus sûr qui touche à sa fin avec à l'instant le titre Wide Expanse, extrait de son dernier album Line the Clouds qui était sorti à la fin de l'année 2013, un disque qui avait été encensé dans pas mal de magazines, notamment le journal anglais The Wire, qui lui avait consacré d'ailleurs une interview et une double page dans un numéro du printemps, je crois, 2013. Voilà pour le travail en solo de Ashley Paul, qui a pas mal de cordes à son arc, comme vous avez pu vous en rendre compte. Elle racontait dans cette interview d'ailleurs, ou dans une autre, je ne sais plus trop, qu'elle avait 60 ou 65 minutes de matériaux qu'elle n'avait pas retenu pour la production de ce disque Line the Clouds. Donc il y aura certainement d'autres choses à sortir dans les mois qui viennent qu'on aura l'occasion de vous proposer dans l'asile le plus sûr. Et également apparemment elle vient de travailler avec le trompettiste, la moitié trompette de N. Pering, Monsieur Greg Kelley. Elle a enregistré un disque qui devrait, je pense, voir le jour chez Rel Records. Voilà donc pour la musique de Ashley Paul. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de cette émission ainsi que toutes les bandes de l'asile depuis l'été dernier, depuis la reprise de la fin août 2013. Et je vous propose de nous retrouver donc sur asile35.blogspot.fr ou sur le mixcloud/redman. On se quitte avec un dernier extrait de cet excellent album de Ashley Paul, Line the Clouds, le morceau Wrap Me Up, qui doit vouloir dire quelque chose comme enveloppe-moi ou réchauffe-moi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures musicales. Je vous souhaite une excellente nuit et une très très belle semaine et un bel été. À bientôt.